Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour la cinquième année consécutive, à l'occasion du grand événement Le Livre sur la Place, l'association AVEC participe à l'opération Les Écrivains dans nos quartiers. Mohamed Iksi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association AVEC, AVEC, Association d'éducation populaire pour l'égalité des chances. Cet événement, c'est celui du 13 septembre. Il y a un autre événement avec une exposition, on va y parler. Mais déjà un peu le portrait de l'association que vous présidez et qui a quand même quelques années d'existence. Hein, depuis quand ça existe, l'association AVEC ? Depuis 1986. Ça fait presque 40 ans. Oui, c'est ça. Vous êtes là depuis le début ? Oui, depuis le début, depuis la création de l'association. Alors, c'était quoi l'idée de départ de l'association ? Le départ de l'association, donc, dans les années 70, il y avait beaucoup des personnes qui sont allées les chercher dans les Maghrebs, dans l'Afrique, pour venir travailler en France. Cette population-là était des populations qui étaient analphabètes déjà. Donc, souvent, on les a cherchées dans les villages, ces pays-là. Et donc, là, ils n'avaient pas de connaissances sur la culture française et aussi, on avait de la langue française. Donc, on était étudiants à ce moment-là, à suivre nos études ici en France. Et c'est là où on s'est rendu compte que ces habitants-là, ils avaient nos difficultés pour s'insérer, même pour lire des informations, des lettres, ou même aller rencontrer tout ce qui est administratif. Donc, c'est là où c'était vraiment le début de création de cette association. C'était pour aider cette population-là pour la langue française et aussi pour l'intégration dans la société française. Et près de 40 ans après, l'association AVEC a toujours cette mission aujourd'hui. C'est plus, c'est comme on a dit, donc cette population-là a grandi, ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Et ça a commencé aussi, les enfants, mais ils avaient encore des difficultés aussi à l'école parce qu'à l'intérieur, entre l'école et la maison, il y a cette rupture au niveau de l'éducation. Au niveau aussi, donc, les parents n'étaient pas capables de suivre leurs enfants. On a créé donc aussi l'accompagnement à la scolarité pour leurs enfants. Et après, les enfants ont grandi, donc on a pensé aussi pour avoir une place dans la société, il faut travailler. Donc on a créé aussi, on a essayé donc des pôles de l'emploi pour la jeunesse qui venait des quartiers prioritaires. Et voilà, donc chaque fois, on a essayé de s'adapter par rapport à la demande, par rapport à la population et aussi par rapport à leurs besoins au niveau de la société. Et c'était le rôle de l'association AVEC, qui s'occupait vraiment de tous les quartiers prioritaires de notre métropole. Donc, toutes les actions qu'on prépare, qu'on essaie d'apporter à cette population-là, c'est pour avoir vraiment un rôle citoyen au niveau de la société et surtout avoir une place reconnue pour aussi exercer leur citoyenneté, et c'est ça qui était le plus important. Voilà, vous êtes adapté vraiment aux situations des uns et des autres, d'où la longévité de l'association, qui est toujours très, très active aujourd'hui. Oui, et aussi plus reconnue, pas seulement pour certaines actions départementales, régionales, même au niveau national, sur certaines actions. Donc, et c'est ça qui était le plus important. Vous êtes président aujourd'hui, président depuis combien de temps de l'association ? Donc, président depuis 12 ans, que je suis président, et avant, j'étais responsable de tout ce qui était pédagogique, tout ce qui était en rapport avec cette population-là, après trésorier et après président de l'association. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette association, dans l'action de l'association AVEC ? C'est par rapport au travail qui donne des résultats. C'est que la population qu'on a eue, cette population-là maintenant, qu'on a majorité qui était vraiment parfois même dans le niveau d'aide et soutien, ils sont maintenant même sans la placer même dans des mairies de notre métropole, qui sont des élus. On a aussi donc des médecins, des chercheurs et tout ça qui étaient seulement des enfants qui étaient pour aider au niveau de soutien et apporter. Et même maintenant, ils ont une place dans la société et apportent aussi parce que eux, ils ont vu la valeur de l'aide pour les autres. Et quand ils ont grandi, ils voulaient aussi apporter aussi d'aide aux autres. Et c'est ça qui était bénéfique pour nous et que ça nous a toujours encouragés de continuer d'apporter encore à la population. Et maintenant, ce qui était maintenant encore plus par rapport à ce qu'on était au départ pour la langue française, mais maintenant on a beaucoup les guerres qui se sont vraiment apportées depuis 1986, on a tellement de guerres et maintenant ça a tellement renforcé qu'on a beaucoup de populations qui venaient de beaucoup de pays qui n'étaient pas au départ des populations qu'on a l'habitude, qui venaient de l'Asie, qui venaient aussi de l'Europe de l'Est, qui venaient de l'Amérique, de l'Afrique subsaharienne, et toutes ces populations-là, on était obligés de encore s'adapter par rapport à eux, ce qu'on a maintenant, on essaie voilà, de les aider voilà, pour déjà la langue française. Et en même temps, quand on parle de la langue française, on parle aussi voilà, les aider tout ce qui était administratif pour, voilà, avec la préfecture, avec l'État. On travaille avec les départements, pour les RSA, pour d'autres, tout, la métropole, avec la région. Voilà, par rapport à la jeunesse et aussi par rapport à la population. Et l'association maintenant, on a tellement, est maintenant reconnue comme on est la fenêtre pour donc, passer et arriver à faire des choses dans les quartiers prioritaires. On a même maintenant des conventions avec les universités Lorraine, avec les grandes écoles et aussi avec d'autres partenaires qui travaillent, que ce soit avec la jeunesse, avec aussi les personnes voilà, donc en difficulté et aussi par rapport à tous les habitants des quartiers prioritaires. Donc on le voit avec la multitude d'actions que vous proposez. J'imagine en tant que président, vous êtes bien accompagné, vous êtes bien entouré, vous avez des salariés, des bénévoles. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Ça fonctionne. C'est-à-dire l'association il bouge plus avec des bénévoles. Voilà, donc on a 4 à 5 salariés, mais ce qui est vraiment qui fait vraiment travailler, aider l'association à faire beaucoup de choses, c'est qu'on a beaucoup de bénévoles, voilà, qui sont intergénérationnels. On a beaucoup de jeunes, voilà, des étudiants qui font le bénévolat. On a aussi beaucoup de voilà des adultes et aussi des personnes âgées. Tout ça, on a puisque sur l'année, on a 200 à 400 bénévoles, voilà, qui travaillent avec nous, qui essayent voilà donc de travailler toutes les actions qu'on essaye d'apporter. Ben c'est que des bénévoles. Et les salariés, c'est tout ce qui était administratif. Et c'est ça la force voilà, qui nous permet toujours d'avancer et aussi de créer encore toujours des projets, des actions avec la population. Eh bien, parlons maintenant d'une action toute proche. Il y aura une exposition un peu plus tard, mais là, on va parler de l'événement de la rentrée littéraire, c'est le livre sur la place à Nancy. Et vous y participez depuis 5 ans. Voilà. De quelle manière y participez-vous? Nous, on avait toujours partenariat avec les bailleurs, avec Batigère. Et puisque Batigère avait toujours partenariat avec la mairie sur le livre sur la place, ils nous ont, donc, parce que, comme on vient de dire, on est aussi donc, à une place vraiment importante au niveau des quartiers prioritaires. Donc, ils nous ont proposé voilà, d'accueillir les auteurs pour le livre sur la place et essayer voilà, de faire des choses intéressantes avec la population pour rencontrer une rencontre directe avec les auteurs. Et pour ça, puisque ces habitants, ils n'ont pas l'idée d'aller à Stanislav devant la place pour rencontrer les auteurs, et ben nous, on a ramené les auteurs dans les quartiers prioritaires. Et ça, c'était vraiment un début. Donc au départ, on a regroupé tous les quartiers prioritaires. La première fois que ça a été fait, c'était à Vendeuvre. On a regroupé toutes les associations qui travaillent sur les quartiers prioritaires et on a ramené beaucoup d'auteurs. Et à partir de là, ça a été déclenché. Voilà, pour apporter l'ouverture culturelle au cœur des quartiers prioritaires. Et les premiers retours que vous avez eus justement de ces habitants, quand vous leur avez dit, on va vous faire rencontrer des auteurs qui vont venir dans le quartier, vous avez des exemples de retours que vous avez pu avoir? Plus que de retours, c'est vraiment une fierté. Oui. Voilà, donc les habitants se rendent compte de parler avec des auteurs et aussi dédicacer leurs livres. Et quand en plus ces habitants-là, ils sont venus à lire, alors qu'ils étaient des habitants allophones au départ et qu'ils essayaient de faire l'effort de lire une partie de leurs livres et de romans devant la population, ce qui n'est pas facile, et même parfois faire du théâtre devant la population. Et ça, pour eux, c'est vraiment quelque chose qui reste intégré dans leur vie. Et en même temps, c'est une force, mais aussi une fierté de dire ça devant leurs enfants et devant les autres, qu'eux aussi, ils sont comme les autres. Ils sont capables aussi de lire, d'avoir aussi donc, cette ouverture-là que souvent, on les a toujours stigmatisés, on les a toujours considérés comme des personnes qui ne font pas l'effort, qui ne sont pas capables d'aller vers la culture, vers l'ouverture, alors qu'ils font tout pour y arriver à ce point-là. Et un bel exemple, donc, ce sera le vendredi 13 septembre, donc, avec la rencontre avec l'auteur, l'écrivain Edmond Baudouin, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur cet auteur? Comment ça s'est fait avec lui? L'auteur, ça tombe bien. C'est un auteur qui souvent fait donc des bandes dessinées en rapport avec la population étrangère qui venait de plusieurs pays. Et c'est ça qui est vraiment encore plus. Ça va donner une force parce qu'on a travaillé avec la population à faire vraiment du théâtre. Et en plus, qu'ils vont cette fois-ci s'exprimer sur leur culture devant cette personne et que ça va encore plus renforcer ce lien entre la culture et aussi cette population-là. Voilà, ce sera au pied de l'immeuble Les Grèbes, donc c'est, c'est à partir de 14h30, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, donc c'est, on a envoyé à tout le monde, on a invité aussi tous les, voilà, donc les, nos partenaires, les métropoles, le, aussi les départements, les mairies, etc. Ben, ils viennent souvent donc, voilà, être présents aussi pour voilà, aussi encourager cette population et leur dire aussi qu'ils sont fiers d'être à côté d'eux et leur aussi les pousser à continuer de cette manière-là et aussi nous encourager à apporter encore plus d'action par rapport à cette population-là. Un temps fort donc le vendredi 13 septembre à 14h30 et un autre temps fort, là c'est à la fin du mois, ce sera à partir du 21 septembre, c'est une grande exposition avec la ville de Nancy, les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière. Expliquez-nous un peu quelle est l'histoire de cette exposition. Donc c'est une exposition donc universelle, nationale aussi, donc il se déplace des régions à régions. Et ben voilà, comme par hasard, donc on nous a contactés. Voilà, donc de Paris, voilà, pour voir voilà, quelle association qui peut voilà, apporter cette action-là, ce projet-là, dans notre région de Grand Est. Et bien, donc, ils nous ont sollicité pour apporter voilà, cette image voilà, d'ouverture, vivre ensemble. Parce que quand on parle de l'histoire de l'islam en France, de Napoléon jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi donc, une partie de l'histoire de notre France qui nous a permis aussi d'arriver à ce qu'on progrès au niveau de tout, c'est parce que cette population était partie intégrante dans tous les domaines que la société avait besoin pour la réussite et aussi pour avancer au niveau donc, d'une société renforcée par le vivre ensemble. Et c'est vraiment cette expo, donc ça va commencer à partir du 20 où il y aura le vernissage avec des grands, tous sont invités, la région, la préfecture, les mairies, voilà, tous ceux qui sont concernés par rapport à la région. Plus, on a des conférenciers qui viennent de partout, de France, qui vont toutes les deux semaines, voilà, les 15 jours, à faire voilà, des conférences sur c'est vraiment vivre ensemble et aussi les citer tous les thèmes de valeurs de la République. Et en même temps, il y a des tables rondes avec les religions qui vont aussi avoir cette force pour leur montrer que là, qu'on est aussi tous dans le même objectif, c'est toujours, c'est notre pays, c'est la France, et aussi, c'est pour qu'on vit ensemble d'une façon, voilà, donc, de partage, de solidarité, et aussi de renforcer cette force qui est la vivre ensemble. Les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière, une exposition donc du samedi 21 septembre au samedi 5 octobre dans les grands salons de l'hôtel de ville de Nancy. Ce sera des photographies, des peintures qu'on pourra découvrir sur place. Qu'est-ce qu'on verra? C'est des grandes expositions, oui. Voilà, qui présentent voilà, donc, toutes ces histoires-là. Plus, voilà, donc, il y aura voilà, des échanges. On a aussi envoyé à toutes les écoles de notre département qui vont venir aussi pour, avec leurs élèves, voilà, les publics, avec des personnes qui sont là pour les guider aussi, pour la visite. Plus, donc, les soirées, on a aussi des groupes de musique voilà, qui viennent de plusieurs cultures là, par rapport à cette histoire-là, qui vont aussi, voilà, les samedis, dimanches, à voilà, montrer aussi un peu donc, voilà, de l'histoire sous forme de musique. Tout ça, ça va passer pendant les deux semaines et avec non-stop du vendredi 20 au 5 octobre, sans arrêt. Voilà, une activité et une actualité chargée pour l'association avec, on le voit. Si on veut retrouver un peu toutes les informations, on va vous sur le site internet de l'association, les réseaux sociaux aussi. Oui, partout. Donc, on a donc sur Facebook, sur Instagram, sur, voilà, sur le site de l'association avec. Dès qu'ils mettent le avec, ben, ils ont rapidement toutes les informations, tout ce qu'on, voilà, le travail qui est effectué, même voilà, donc, tout le programme. Voilà, parce que, comme j'ai dit, on a au mois de novembre, après directement, on a le grand forum régional de l'emploi. Oui. Voilà, qui, voilà ce qui est dit par rapport à ça, c'est le 26e voilà, forum voilà, de l'association qui est reconnu au niveau national aussi, parce qu'on est un exemple. C'est la seule association qui organise, d'éducation populaire, qui organise un forum régional sur l'emploi. Et donc, ce qui est fait, moi-même, j'étais à Paris voilà, pour présenter ce projet-là qui était vraiment voilà, reconnu. Voilà, que ça, pour aussi encourager d'autres à faire des choses comme ça, parce que c'est, on est vraiment, ça permet de sensibiliser la population parce qu'ils ont confiance avec les associations de proximité. Et quand on parle de forum, ils sont fiers de venir parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de stigmatisation, de préjugés, et aussi, ils savent qu'on est derrière eux pour les aider avant et après ce forum-là. Et même, on a des pôles à l'intérieur qui travaillent sur le niveau de traduction, même faire des CV avant de passer pour voilà, rencontrer directement voilà, les exposants Et ça, c'est une force, voilà, que les gens attendent toujours ce forum-là, qui ont besoin et que pour eux, ils savent qu'il y a toujours une personne qui sont là pour les aider avant de rencontrer. Et même, c'est un contrat qu'on a fait avec les exposants, que c'est vraiment leur donner la possibilité aussi de travailler et en même temps sans les regarder par rapport à leur histoire ou leur vie, donc, et aussi par rapport à leur origine. Et c'est ça qui est important. Et le Forum Emploi, ce sera en novembre? Oui, en novembre. Et ça se passera où? Ça sera au Parc de Sport de Vendeuvre. C'est un choix aussi parce que c'est un centre de notre département où les gens peuvent venir facilement, les parkings sont faciles, les transports faciles, et c'est ça qui nous a toujours aidé de garder cet endroit-là pour ce forum-là régional, parce qu'on a toujours entre 2000 à 4000 passages sur la journée pour chercher de l'emploi, et en plus c'est intergénérationnel, et on a donc qui participent, on a presque 100 bénévoles, et la majorité c'est des étudiants, qui préparent avec nous ce forum-là, qui viennent des BTS, des universités. Et ça, c'est une force qu'on n'a pas souvent dans d'autres forums. L'association a presque 40 ans, mais elle est très, très énergique et très active, un grand dynamisme. Merci beaucoup, Mohamed Iksi, président de l'association AVEC. Et on rappelle, le prochain rendez-vous, c'est le 13 septembre, cette rencontre avec l'écrivain Edmond Baudouin. Et on remercie beaucoup aussi donc, de nous donner ce temps-là pour présenter cette association. Et comme j'ai dit, avec Fadjet, c'est pas la première. On a toujours travaillé ensemble, beaucoup de partenariats. Ça fait presque depuis 2015 qu'on a toujours été ensemble avec aussi la jeunesse qui sont venus souvent ici pour faire des émissions et aussi se déplacer par Fadjet dans nos locaux pour faire aussi des émissions avec nos habitants. Et ça, c'est une force et on vous remercie beaucoup par rapport à ce partenariat. À très bientôt alors. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.